Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. Vous savez la tarentelle, telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle, celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous la prendrai la danse, danse, danse, joli petit bois. Et si vous aimez ma danse, danse, et si vous aimez mon pas, on pourra danser, je pense, pense, aussi longtemps qu'on voudra. Mais ne me laissez pas la danse, danse pas la danse, cet état-là. Ne pensez-vous qu'à la danse, danse, danse, joli petit bois. Quand le feuillage est si dense, dense, quand le soleil est si bas, que voulez-vous que l'on danse, danse dans les jolis petits bois. Quand votre robe s'élance, lance, moi j'ai le cœur en éclat. Si vous perdez la cadence, danse, serrez-vous bien dans mes bras. Et s'il arrive que même, même, tout doucement dans le bois, j'aille vous dire je t'aime, t'aime, si le bonheur était là, là, pour nous donner la cadence, danse, pour nous donner le la. Pour que tout recommence, mince, tout petit pas. Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Pour qu'on vous aime, et je pense, pense que je vous aime déjà. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, mince, jamais ne s'arrêtera. C'est là que finit la danse, danse là dans l'ombre des bois. Mais notre amour qui commence, mince, jamais ne s'arrêtera.